Rouge. Plus de classiques, plus de fun. 94.3 Ça rentre au poste et le quiz Mission Impossible de 15h35 pour gagner la batterie Mural Airco résidentielle de 18 000 $. Deux chances! Il ne vous en reste que deux occasions pour pouvoir devenir finaliste. Et aujourd'hui, la thématique, les capitales du monde. Fait que si vous connaissez votre géographie, soyez-y tantôt, mais soyez-y effectivement dès le début du show à 14h55. Fait qu'à tout de suite, tout le monde! Raconte-moi tes creux. plus divertissant à Montréal. Ça rentre au poste! Énergie. Chez Airco Résidentiel, comme à Ça rentre au poste, on carbure à l'énergie. En semaine dès 14h55, venez jouer au quiz Mission Impossible avec Sébastien Trudel, Julie Beau et Tommy Néron. Vous pourriez gagner une batterie murale Airco, installation incluse, pour réduire votre facture d'hydro et assurer votre autonomie en matière d'électricité en cas de panne. Parce que chez Airco Résidentiel, on repense la façon de consommer de façon intelligente. Une valeur totale de 18 000 $. Puis en plus, ben, plus d'argent dans vos poches. Plus de fun. Énergie. Nicolas Bellefleur est fait pour avoir des enfants. Il me semble que je demande pas à Lynn, là. Je veux juste faire un bébé avec quelqu'un que j'aime. S'il y a une certitude dans la vie, c'est que tu feras un bon père. Et s'il y a une autre chose qui ne change pas dans sa quête, c'est de pouvoir compter sur l'appui d'une bande d'amis tissée serrée. Tout est compliqué, Nico. L'amour, c'est compliqué. Les amis, c'est compliqué. La vie, c'est compliqué. Mais si t'as trouvé un moyen d'être heureux, passe pas à côté de ça, Nico. Bellefleur, nouvelle saison. Une série originale Crave. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Cette semaine, dans la circulaire Super C, la caisse de 48 canettes de Budweiser est à 70,48 $, puis la caisse de 24 bouteilles de Corona est à 30,72 $. Avec le meilleur rapport qualité-prix, c'est super Super C. Valide jusqu'au 25 juin en magasin et en ligne. Détails au superc.ca. 14h50, 24 degrés au mercure avec un ressenti à 33. Grosse heure de pointe déjà entamée. D'abord 25 sud. Là, vous allez mettre une heure pour traverser au tunnel de la Fontaine. Faut dire qu'on a eu une panne à la hauteur de la rue Sherbrooke. Ça n'a pas aidé. 13h, on a un accrochage sur le pont Louis-Bisson. Les deux véhicules occupent la voie de gauche. Il y a du retard depuis la 520. 13 sud, on a un remorquage à la hauteur de la 520, justement. Le véhicule est dans la zone assurée, là, au début de la sortie pour l'autoroute 520. Et si vous êtes sur l'autoroute des Laurentides, juste avant d'arriver à la métropolitaine, il y a un camion qui vient de s'immobiliser dans la voie de droite. Finalement, ben, pour les gens qui circulent sur l'autoroute 30 également, commence à y avoir du retard depuis le boulevard Matt. Tout ça à cause d'un accrochage, là, un petit peu plus loin, à la hauteur de Grande Allée, deux véhicules impliqués. Des compliqués, les fonds négociés en bourse, fallait y penser. Découvrez les nouveaux portefeuilles Desjardins FNB. C'est offert en caisse et en ligne. Albi le géant. Quand on a une chambre IKEA, on dort mieux. Avec des rideaux opaques, il fait plus sombre. Avec une couette douillette, notre lit est plus confortable. Mais ça rend nos nuits plus plates, parce que le monstre sous notre lit dort beaucoup mieux lui aussi. Et il est pas mal plus dur à réveiller. Hey, le monstre! Hey, fais-moi plus jamais peur demain. Visitez IKEA dès aujourd'hui pour mieux dormir dès demain et trouver tout ce qu'il faut pour aménager une chambre à faire rêver. Le civisme sur la route, c'est... C'est juste de savoir vivre. Le civisme sur la route, c'est... Ah, tout le monde sait ce que c'est. Le civisme sur la route... C'est juste bien se comporter, arrêter de couper le monde... C'est ça. Arrêter de couper le monde. Ah, ouais. OK, je comprends. Excuse-moi. C'est aussi ne pas accélérer au feu jaune, mettre son clignotant... Excusez, je peux y aller? Oui, oui. C'est juste de savoir vivre. Exact. Bien se conduire sur la route, c'est juste la base. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Albi, le géant. Émilie Simard, toujours en direct de chez Albi Occasion à Mascouche. Aujourd'hui, je fais un petit peu le tour de nos concessionnaires pour vous en dire le plus possible sur les promotions et étiquettes jaunes. Et c'est autour de nos concessions Albi qui a avec mis en vedette parce que je peux vous dire que du choix d'inventaire, ils en ont. Les Sportages, la nouvelle K4, le Seltos, le Niro, disponible en version hybride, hybride branchable ou 100% électrique, offert dans tous les choix de couleurs. Chasseur d'aubaine, votre visite pendant l'étiquette jaune vaut vraiment le détour. Alors, en bordure de la 640 à Mascouche et Saint-Eustache, l'équipe vous attend chez Albi Kia. Bacon ou saucisse? Pourquoi pas les deux? Le McMuffin suprême est de retour pour de bon. Ajoutez-y un café infusé à partir de seulement 1 $ plus taxes. McCrêpe suprême offert jusqu'à 11h dans les restaurants McDonald's du Canada participants. Les prix n'incluent pas la livraison. Hey, merci de pas venir m'aider à m'installer. Dans la première appart, c'est pas rien. Oh, le plancher, c'est pas à niveau, là. Scott de porte-là non plus, c'est pas à niveau, là. Ouais, il y a pas grand-chose à niveau ici. Ben, je viens d'installer Bell Internet Pure Fibre. Ah, ça, c'est du haut niveau. On va quand même faire de quoi pour ton plancher. Passez à un Internet de haut niveau avec Bell Pure Fibre. Obtenez des vitesses de 3 gigabits par seconde au prix de 500 mégabits par seconde pour 70 $ par mois. Offre d'une durée limitée. Visitez bell.ca pour plus de détails et pour vérifier la disponibilité. Avec un Internet ultra fiable, la vie est belle. Bon, enfin un long week-end. Faut se préparer. Mon gars est là. Essence, boisson, collation, il y a tout. Ton gars? Mm-hmm. Mon gars pour le gros week-end, Tom. Le gars chez Couche-Tard? Ouais, Tom est là. du 19 juin au 2 juillet, c'est les gros week-ends chez Couche-Tard. Avec les Red Bull à 4 pour 7,99, les Chips Lays grand format à 2 pour 7,50 et les 18 canettes Corona au prix minimum. Couche-Tard, votre destination sur la route des vacances. 18 ans et plus, détails en magasin. C'est sûr que les concessionnaires Honda du Québec sont fiers de vous présenter l'émission « Ça rentre au poste ». Et c'est sûr qu'avec l'espace de chargement polyvalent du HRV, vous aurez de quoi pour vous amuser durant les vacances. Énergie, disponible sur iHeartRadio. À Énergie, mettre du fun dans votre lunch, c'est un classique. Demain, 11h25, Midi Fun, avec Pierre Pagé, Marie-Claude Savard et Bill McLeod. À Montréal, plus de classiques, plus de fun. 94.3 Énergie. Jeudi le 19 juin 2025, accrochez-vous, ça risque de déraper parce que déjà qu'on n'a pas de filtre, mais on a aussi du vin en studio, fait que let's go! Ça rentre au poste. 14h55, ça va être un très gros show de Ça rentre au poste. Et c'est une grosse journée pour Tommy Néron parce que Tommy, tu remplaçais du côté du Boost le matin ici à Montréal. Exact. T'es levé comme à 3h30, 4h, c'est ça? Je suis levé à 3h20. J'ai fait un power nap de 20 minutes aujourd'hui. C'est ça. C'était suffisant? Tu sais, une matinée, il y a un horaire de journée qui fait que c'est 20 minutes que t'as. Fait que ça a été ça. Mais pour vrai, je me sens pas brûlé. Je me suis couché tôt hier. Bravo. Par contre, je suis très content d'entendre le thème de l'émission parce que nos auditeurs à Montréal ont. Qui était là dès le début de l'émission un matin, on a vécu un petit moment loufoque. J'ai manqué le début du show. Hein? Comment ça? Ben, moi, dans ma tête, le beau, c'était 5h25. Ça fait un petit bout, je ne l'ai pas fait. Dans ma tête, 5h25. Ben oui. Fait qu'à S16, j'ai une petite envie de. Tu sais, on va aller essayer d'en pousser une pour être correct pour le reste du show. Je m'en vais procéder à E21. Oh non. C'est pas mal fini. Alec rentre dans la salle de bain puis il fait « Tommy, vous êtes en onde. » Mais moi, je suis sûr qu'il me niaise. Je pense qu'il vient voir en mode « C'est bientôt le début. Ouais. » Oui, faudrait non, que tu t'en viennes. Il fait « Non, non, vous êtes en onde. » Je suis comme « C'est pas E25. » Il fait « Ça a tout le temps été E20. » Oui. Fait que moi, comme un champion, en deux minutes d'entrée en onde, j'ai sacré mon camp aux toilettes. T'as raison, mais c'est vrai qu'on véhicule le 5h25 sur les affiches, c'est 5h25. Sur le site web, c'est 5h25. Mais pour tous les boosts partout au Québec, moi aussi, j'ai fait le saut parce que des fois, je remplace. Puis, à un moment donné, c'est ça. Tu sais, j'étais bien relax, 5h19, je niaisais dans le corridor. Puis, à un moment donné, ça part. Puis, tu fais « OK! » Mais là, toi, t'étais dans le couloir. Moi, j'étais. Oui, c'est ça. En temps au boost parce que je pondais une boost. C'est ça qui est arrivé. Okay. Mais, ça a fonctionné. Finalement, t'as pu te libérer pour le matinée. Tout a bien été. C'était juste un peu bizarre de rentrer, surtout que je suis rentré sur un bloc info. Là, on avait comme des suivis sur l'histoire d'hier. Ouais, moi, j'étais. Je me sentais pas très professionnel. D'accord. On a un très gros jeu pour vous. Gilles Bout, tu nous présentes encore une fois un jeu refusé. Je suis allé fouiller dans la grande voûte des jeux refusés. En fait, c'est juste un classeur, là. Mm-hmm. Mais il y en a pas mal parce que Seb, je pense qu'il aime dire non à Luc Cochon. J'aime beaucoup à de nombreuses reprises dans la saison. Fait que je vous dévoile ça tantôt vers 16h10. Le numéro 10, on est rendu dans le top 10 des coups de 16h20. Ce sera Benjamin et Mathis. Fait qu'on sait ce que ça va donner. Sûrement un travail qui va mal virer. Mm-hmm. Et le moment TNT, ben, en fait, c'est pas toi, c'est Cobra, un ex-prisonnier à qui on parle chaque semaine. C'est un programme gouvernemental, dans le fond. Là. Exactement. Puis là, il veut nous parler de l'Internet. C'est juste ça qu'il nous a écrit dans le document du show. Okay. Il nous parle de l'Internet. Puis moi, de mon côté, t'aimes pas les jeux refusés, ben là, t'aimeras pas encore plus parce que tu te fais encore voler ton quiz. Ah oui, t'as raison. Le quiz à 7 devient Tommy Grapp. On aura un autre segment de Les Ex de la radio. On a fait ça vendredi passé. Mm-hmm. On s'en est fait redemander. Oui. Alors, le public obtient ce qu'il veut. Là. Alors, c'est comme des questions indiscrètes sur quand on est en couple, Julie Beau et moi. Puis ça fait un beau malaise. Mais... OK. Une gorgée. Oui, ben, là, c'est pas tout de suite. Là. Le 28. Le face à fesse tout de suite. C'est parti. Face à fesse. Ben là, on est rendu vraiment avec des gros noms. Celui qui avait passé facilement, je dirais, en première ronde, ça avait été un massacre quasiment. Écoute, je me souviens plus qui affrontait, mais c'est Roger Brulotte qui l'avait emporté. Donc, Roger Brulotte passe en deuxième ronde. Mais là, par contre, il va affronter une tête de série. Donc, quelqu'un qui n'était pas là en première ronde et qu'on ajoute maintenant. Roger Brulotte va affronter Mike de chez Rona. Oh non! Mike de chez Rona. Non! Oui. C'est drôle. Qui pourrait se ramasser donc sur la fesse de notre producteur Luc Cochon s'il l'emporte. Alors écoute, on sait jamais. Mike chez Rona a été beaucoup demandé. C'est la dernière tête de série qui fait son entrée. Fait que là, vous avez entendu tous les noms qui sont possibles. Mais Mike chez Rona, il était beaucoup demandé. Oui. Au 6-12-12, moi, ce qui me fait rire de Mike chez Rona, c'est que Là, c'est actuel. Ouais, là, c'est dans deux ans, comment t'expliques ça? Totalement. Puis tu sais, le gars, c'est pas une vedette, là. C'est non, comme non, pas non. Genre Rémi Gérard qui fait Mike chez Rona, là. Non. Fait que même dans 10 ans, sur la fesse à Luc, on va pas tant se souvenir c'est qui Mike chez Rona, là. À moins qu'il pogne un autre rôle, mais ça va quand même être Mike chez Rona sur la fesse de Luc, si c'est lui. Fait que c'est le temps de voter sur notre page Facebook de Ça rentre au poste. Et on compile aussi les votes au 6-12-12. Oui, Luc? Si jamais c'est Mike chez Rona qui gagne, je ferai la tournée des Rona du Québec dans la section plomberie des culottes aux genoux sur une balle de toilette dans le rayon de la plomberie. Tu l'as déjà fait, Luc. Oui. Non, mais ça va me faire plaisir. Tu peux le baisser tranquillement. Donc, allez voter. C'est soit au 6-12-12 ou sur notre page Facebook. Ton mot du jour, Tommy, ça va être quoi? Relève. Julie Bou? Moi, c'est erratum. Puis je me demandais, attends, dis-tu erratum ou erratum? Puis je me suis souvenu qu'on disait rectum et pas rectum. Voilà. On dit scrotum et pas scrotum. Oui, exactement. Mais on dit Channing Tatum. Très bon point. Channing Tatum. Moi, c'est Charles. Je pense que... Excuse-moi, je suis en train de m'obstiner avec... Tatum. On s'en sac dans le ton. T'as compris ce que c'est dit? Notre gars de médias sociaux, on s'en sac, OK? T'as Channing Tatum ou Tatum? Ce que c'est d'essayer de dire, c'est que si Anto fonce dans une fenêtre, on finit à la botte. Là, si vous comprenez pas, c'est qu'un oiseau qui a foncé dans la fenêtre chez Julie. Et moi, j'ai juste dit un animal j'espère blessé. Que tu l'as fini. Faut que tu le finisses. Avec ta botte. Mais bon. Petit oiseau était cute. Mon mot du jour, c'est char, parce que j'ai souvent parlé du fait que c'était un peu le bordel dans mon char. Je pense que, écoute, Luc Cochon, notre producteur, a eu pitié de moi parce qu'il m'a payé un lavage de char. Et le gars devait être là. Ça se fait en quoi, 45 minutes à peu près, normalement, un lavage de char, parce que intérieur et extérieur, mais l'extérieur était quand même propre. L'intérieur, c'est une autre histoire. Il y avait beaucoup de choses. Ça lui a pris finalement autour de 2 heures, laver mon char. Tu sais, quand tu dis beaucoup de choses, là, c'était pas nécessairement des choses physiques comme des objets. On parle de beaucoup de cochonneries puis de petits, de graines de je sais pas quoi. C'était très, très crotté. Pour un char neuf, là? Moi, ça fait 5 ans j'ai mon char. il a l'air aussi propre que le tien maintenant. Tu vas souvent dans le char à Seb, toi? Non, oui, on finit nos parties BBM, là. Oui, c'est ça. Je veux pas partir de rumeurs, mais j'ai l'impression qu'il se passe de quoi entre les deux. Je pense que Tommy Gratz, ça les rapproche. Non, mais c'est légendaire. Écoute, il y a entre autres un masque de plongée qui a été retrouvé, qui date de l'été passé, encore plein de sable. Une crème solaire aussi pleine de sable. Des sandales que je cherche depuis... que je cherchais, parce que là, l'été est revenu, mais c'était encore dans le char depuis l'été passé. Non. Fait que bref, ça y a pris... beaucoup. Il l'a dit, normalement, ça aurait été comme le double ou le triple du prix normal. Fait que salutations à Autocomète et désolé pour mon char, mais là, il est comme neuf, là. Là, c'est incroyable. Fait que c'était mon mot de jour. Fait que t'as pas chargé le triple que ça aurait pu. Non, il a été vraiment cool. Fait que là, improvise une pub de 15 secondes maintenant pour Autocomète. Autocomète, si votre char est d'une dompe, comme le mien ici, Sébastien Trudel, je vous invite à faire affaire avec eux parce que vraiment, c'est un service remarquable. Ils ne jugent pas les gens non plus en disant, voyons, t'es vraiment un cochon, parce qu'il aurait pu me le dire en disant, j'ai jamais vu un char de même. Non, il a été. Il en a parlé quand même à Luc Cochon. Moi, j'ai eu les échos dans les coulisses. Et je te dirais qu'il y avait beaucoup de coulisses, justement, dans ta voiture. Mais semble-t-il qu'il a fallu faire 2 extra shampoings sur tes tapis. Mais je rappelle qu'il y a... Ouais, OK, ça. Ouais, parce que j'ai oublié de mettre mes tapis sauf pantalon cet hiver, fait que ça... C'est ça. C'est l'humain le moins sérieux du monde. Je sais. C'est erratum, ton mot du jour. Erratum, mon mot du jour. Puis, ça aurait pu être inquiétude aussi parce que, je faisais le tour là, des publications à potins sur les réseaux sociaux, le 7 jours, puis ces affaires-là. Puis, j'aime ça me tenir à jour, tu sais, connaître qui sont les hommes les plus sexy du Québec, par exemple. T'sais, ça m'intéresse beaucoup, ça. Ben oui. Puis, je suis tombée sur un article de mon ami Ben Gagnon qui dit qu'il s'en vient à l'animation de Se rentre au poste le 7 juillet prochain. C'est vrai. Puis, dans l'article, c'est écrit pour les 10 prochaines années et j'étais inquiète de savoir si... C'est une faute de frappe ou si t'étais pas de retour ou si t'avais quelque chose à nous annoncer, Sébastien. Ben, on peut peut-être appeler Adam. Il est dans son bureau. On appelle Adam. C'est 3-2-1-4, son code. Attends, on va appeler Adam. Je suis être de retour à l'automne, mais c'est parce que... Ouais. Mais il va être là avec l'équipe d'été. Oui, allô? Allô, Adam? Est-ce qu'on te dérange dans un meeting? Oui. Ah, cool, OK, j'espère. Yeah. Adam, écoute, c'est parce que c'est écrit dans le séjour que Benoît Gagnon va animer sa rentre au poste pour les 10 prochaines années. Je suis un petit peu inquiet, là. Nous sommes tous inquiets. Est-ce que Seb revient? T'es-tu vraiment écrit dans le saison? Oui, je te jure. Oui. On est une compagnie de communication, hein? Oui, c'est ça. Oui. OK, donc tu me confirmes que c'est, tout est correct, là. C'est... Seb revient le 25 août prochain, à l'automne, là. Seb sera en onde le 25 août prochain. Okay. Julie Bout sera en onde le 25 août prochain. Oh, Mario sera en onde le 25 août prochain. OK, OK. Puis moi, mettons que je dis dans ma story que je vais être là à Énergie pour 15 ans et que vous allez me payer cher, ça n'arrivera pas nécessairement. Tu peux venir dans mon bureau après le show, si tu veux. OK, yes! Okay. Fait que, écoute, on te dérange pas plus longtemps dans ton meeting. Salut tout le monde qui est avec toi, là. Oui, merci. C'est fait. Je vais faire des gros bye-bye à l'écran. Ben, yes. Ouais, OK. Bye. Ouais, il est en zoom en plus. Ça, c'est le fun. Ouais. C'est tout le temps des fun. Des fois, il a l'air en punition à faire des zooms dans son bureau, hein. Ah, ben, oh, ça a l'air plate, là. Ah, ouais. Dans la catégorie des jobs que, tu sais, je ferais jamais, c'est la job à Adam. Mais il y a beaucoup de meetings, c'est juste ça. Tu sais, c'est le fun qu'on se... Ah, il est encore... Non, je pensais en fait, qu'il était encore radio, meeting, oui. C'est que ça. Oui, donc, OK, c'est beau, là, c'était errata, mais c'est réglé. Relève, Tommy, ton autre jour. Oui, mais c'est parce que c'est une question qu'on se fait souvent poser quand on est humoriste. Le fameux... Tu sais, quand t'es humoriste de la relève, oui. C'est quand t'enlèves la relève. Mm-hmm. Puis moi, je trouve ça flou, je le sais pas, parce que ma vie est contradictoire. Mm-hmm. Des fois, on m'invite sur des plateaux de télé, oui. Puis des fois, on pense que je suis le fils de Laurent Paquin. Tu comprends? C'est flou. Puis là, moi, cet été, je vais animer un gala Juste pour rire à Juste pour rire Québec. Oui. Et eux autres, aujourd'hui, ont sorti une publication, tu sais, comme les festivals avec les têtes d'affiches écrans plus gros. Oui, oui, oui. Puis tout le monde. Puis là, les animateurs de gala sont là. Le premier nom, c'est Billy Tellier, puis tout. Cherche mon nom. Ouais. Mon nom est pas là. Oh, ils m'ont mis dans un petit nom. Oh non! Tu co-animes le gala avec Billy. Je suis le premier animateur de gala qui fait pas partie des têtes wow. d'affiche, je crois, d'un festival. Oui. Et pour dire comment c'est insultant, les deux frères font partie des gros noms. OK, OK. Je veux pas. Ils sont fins, les deux frères. Mais oui. Là, Sony, il est pas si funny que ça. Là. Fait que moi, au moment où je me disais, je suis encore relève, j'enlève-tu le relève? Juste pour rire, fait dans tes relèves. Non, ben, coudonc. Fait que là, tu pourrais te nommer, par exemple, au prochain gala Les Oliviers. Ben, je l'ai déjà fait. Je peux l'aider cette année, nommé pour découverte. On verra, là, puis tout. Mais c'est ça, ça m'a juste fait beaucoup rire. Je suis pas vexé par ça, parce que moi, personnellement, la réponse que je dis tout le temps, c'est ouais. Tant que je suis humoriste, je me fous du terme que tu mets après. Ben oui, exactement. Que ça soit relève ou pas, mais ça m'a fait beaucoup rire, tu sais. Ah, le festival où j'en aime un gala. Je suis à côté du concierge. Exactement. Les doigts de My God s'en viennent manquer. Surtout pas ça, il y a quelque chose de spécial qui se passe, qui est en vente en ce moment. Vous pouvez acheter l'ADN d'Ozzy Osbourne. Pourquoi? Mais je vais vous expliquer tout ça. Après Weezer, Pork and Beans, plus de classiques et plus de fun à Énergie. C'est bon ça. Yeah. nouvelles. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ozzy Osbourne vend son ADN pour... écoute, ça coûte 450 US. Et en fait, c'est une canette de thé glacé qui a été bue par Ozzy. Donc, son ADN est dessus. Mm-hmm. Elle a été fermée dans une espèce de truc hermétique en plastique. Donc, tu sais, il n'y a pas d'air qui passe. C'est signé par Ozzy Osbourne lui-même. Oh. Et il encourage ses fans. Mais là, en fait, c'est déjà sold out. Fait que c'est, vous ne pouvez plus vous en procurer. Donc, il incite ses fans à le cloner éventuellement. Seulement quand il sera décédé. Alors, c'est comme ça qu'il a vendu ça, oui. Ben, Ozzy, tu sais, Ozzy, c'est Ozzy. Ben, tu donnais le prix? 450 US, okay. Mais là, il y en a plus. C'est parti vraiment très rapidement. Puis ça vient, en fait, d'une sorte de thé glacé que Ozzy aime beaucoup, qui s'appelle Liquid Debt, qui a certainement payé Ozzy aussi pour ça en plus. Absolument. Fait que c'est un gros stunt publicitaire, mais qui a vraiment fonctionné. Fait que là, les gens s'imaginent, on pourrait cloner Ozzy, puis là, il revit une autre. Écoute, imagine plein de Ozzy Osbourne, là, tu sais. Tous ensemble dans un band. C'est assez. Oui, oui, puis surtout quand ils se mettent à parler entre les chansons. Je sais pas si vous avez déjà vu un show. Ben, mais... tu comprends. Fuck out. C'est moins clair. C'est moins clair. Mais bref, il donne son dernier show au mois de juillet. Oui. Alors, ben, éventuellement, un clone d'Ozzy Osbourne. Avec Metallica, entre autres. Oui, ça va être très hot. Oui, gros show en Angleterre, mais c'est loin, par exemple. Je pense qu'il n'y a plus de billets. Il n'y a plus de billets. Chez les bouts, tu nous parles de quoi? Je parle d'un requin-marteau qui est tombé du ciel, littéralement. Ah bon? Ouais. Imagine ça, tu es en train de jouer au golf, bien relax avec tes amis. Soudainement, un requin-marteau tombe du ciel. Ce n'est pas un film de série B, mesdames, messieurs, mais c'est bien là. Oui, c'est un genre de Sharknado, c'est exactement ce qui s'est passé. 4 golfeurs sur un terrain de la Floride, donc lèvent les yeux vers le ciel et boum! Direct en milieu du terrain de golf. Un requin-marteau de 1,5 mètre, quand même, s'est écrasé. Évidemment, le choc a été total. Personne n'en croyait ses yeux. L'animal était encore vivant, mais blessé, un petit peu magané. Il a rapidement été pris en charge par des spécialistes de la fonte marine. L'hypothèse, c'est que le requin aurait été aspiré par une trombe marine. Est-ce que vous savez ce qu'est une trombe marine? C'est une sorte de tornade au-dessus de la mer, dans le fond. Fait que, il a été aspiré. C'est vraiment l'histoire de Sharknado. Exactement. Succès avant d'être évidemment catapulté là, sur plusieurs kilomètres dans les airs. J'ai adoré ton segment découverte. Merci. Quand tu dis trombe marine, j'ai fait, mais c'est Julie Tissère. Oui, absolument, c'est fascinant. Fascinant. Tu nous parles de basketball, Tommy. Oui, en ce moment, c'est la finale de la NBA. Il y a deux Québécois qui sont en finale. Pour ceux qui ne savaient pas, Bénédicte Mathurin qui est avec les Pacers, Lugansdor qui est avec le Thunder. À soir, la série pourrait se finir, d'ailleurs, le Thunder qui est en avance. Lugansdor a d'ailleurs dit qu'il aimerait beaucoup ça gâcher la fête de Bénédicte Mathurin. C'est la fête de Bénédicte aujourd'hui. C'est son anniversaire de 19 ans. Moi, à 19 ans, j'étais occupé à rendre des Kleenex croustillants. Oui. Je joue dans NBA. Quand même impressionnant. Et là, il y a une nouvelle qui a détourné un peu l'attention dans NBA. Les Lakers ont été vendus. Oh, OK. Au prix de 10 milliards US. Pardon? On se cotise, mettons, les trois. On peut-tu... on n'achète pas ça? Pas proche, même. Non. C'est l'acheteur Mark Walter qui a acheté les Lakers à ce prix-là. C'est un CEO, puis tout. Puis là, lui, il a du cash. Il possède les Dodgers de LA. Ça va bien, lui. Ouais. Il possède le club de Premier League Chelsea. Okay. Et il a acheté la nouvelle écurie Cadillac qui arrive en 2026 en F1. Wow! Pour acheter une écurie en F1, t'as pas un char dedans, là. Il va avoir une écurie de plus. Mm-hmm. 450 millions de dollars. Mais il prend son cash où à la base, lui? Viens-tu d'une famille super riche? Il est CEO de TWJ Global. Et j'ai aucune idée ce que ça fait. Oui. Fait que c'est ça. Fait que il a fait son argent comme un homme d'affaires, puis là, il s'ajoute des équipes de sport. Ben oui. Il a l'air de moi qui game à la PS5. Il y a une saison avec les Lakers, avec Chelsea. On pourrait faire une coupe de course à F1. Hey, 10 milliards, pareil, c'est faut que t'aies... C'est du bon change. Oui, tout à fait. OK, ben coudonc. Le moment de TNT s'en vient. C'est Cobra, un ex-prisonnier. Mm-hmm. C'est un programme gouvernemental, on lui parle régulièrement comme ça. Exact. Une chose de quoi aujourd'hui? Il a découvert Internet, c'est juste ça qu'il m'a dit. Ah, il a découvert Internet. Il est rendu avec Internet, il m'a dit ça va être bien bon le jeune, puis il a raccroché. Ah, OK, parfait. Je sais pas trop. Excellent. Il a passé 25 ans en prison, fait que ça se peut qu'il découvre des choses qui ont évolué. Là. La ligne très ouverte de Sarantropos, ça vous tente de nous jaser d'un sujet d'actualité, nous poser une question sur l'émission, sur quelqu'un en studio, ou juste nous faire découvrir quelque chose. Peu importe, c'est libre à vous. 790-094-3 1-800-665-5440 et puis, ben, on attend vos appels et Supertramp au retour. Plus de classiques et plus de fun à énergie. Restez branchés à Sarantropos. Au retour, retour. Au retour. Dans Ça rentre au poste. Ça rentre au poste. Énergie. Pas besoin d'attendre la Saint-Jean pour écouter les tunes de chez nous. Chansons québécoises sont sur iHeartRadio. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Où vous voulez, quand vous voulez. Offrez-vous les classiques d'ici Énergie en continu. iHeartRadio. Mario, il y a un accrochage sur l'autoroute 30. En direction Est, juste à la hauteur de Grande Allée, où ça arrive souvent, là, parce que les gens essaient de sortir de l'autoroute 10 puis arriver sur la 30 et personne se laisse de chance, finalement. Il y a du retard depuis le boulevard Rome pour les gens qui circulent sur l'autoroute 30 en Est. Ailleurs, autoroute 13 en direction de Laval, il y a du retard avant Côte-de-Liesse, presque Aigues-Mortes. Tout ça causé par un accrochage, deux véhicules d'impliqués sur le pont Louis-Bisson. C'est la voie de gauche qui est retranchée présentement. Et autoroute des Laurentides, juste avant d'arriver à la métropolitaine, on a un camion qu'on remorque présentement. Ça devrait se faire au cours des prochaines minutes. Voyageurs canadiens avertis, économisez sur le stationnement d'aéroport Park and Fly. Stationnez 7 jours à partir de seulement 19 $ par jour. Il y a des conditions qui s'appliquent. On réserve au parkandfly.ca. Les concessionnaires Honda du Québec sont fiers de rouler sur l'énergie avec l'énergie du HRV 2026. Passez le voir chez votre concessionnaire Honda dès aujourd'hui. Albi le géant. Émilie Simard qui vous parle toujours en direct de chez Albi Occasion Mascouche pour la vente étiquette jaune dans tout le groupe Albi le géant. Vente qui se poursuit tout le mois de juin. Je vous parlais de Kia tout à l'heure et là, c'est au tour à mes collègues de chez Hyundai de vous passer un message qui m'ont avisé que dans nos concessions Hyundai de Laval et Mascouche en ce moment combinés, ils sont rendus à plus de 250 véhicules électriques disponibles pour livraison immédiate. Tu vas encore profiter d'une subvention en plus des promos étiquettes jaunes aujourd'hui, demain jusqu'à 20h et samedi jusqu'à 17h. Alors, on vous attend à Laval et Mascouche chez Albi Hyundai. Avec Sico Prestige, donnez vie à votre espace de rêve rapidement. Car une seule couche suffit pour obtenir des résultats épatants. Profitez de 30 % de rabais jusqu'au 25 juin. Sico, y a de quoi être fier. Pour moi, le meilleur de l'été, ça se passe au fumoir. Le bois crépite, la fumée monte, puis c'est là que je dépose une bonne pièce de viande sur le grill. Ah, ça sent bon dans tout le voisinage. Hey, Flash, très bientôt! Oui, encore un petit 5 heures, mon grand. Profitez du meilleur de l'été en économisant jusqu'à 25 % sur les plus grandes marques de barbecue, plancha et cuisine d'extérieur. Seulement chez Club Piscine. Du 20 au 22 juin, c'est le Mondial de la bière. Une expérience de dégustation unique avec des bières du Québec et d'Italie, cidre, vin, hydromel, options sans alcool et gourmandise. Musique, humour et animation pour toute la famille. Le Mondial de la bière à la gare Windsor de Montréal. Le Mazda CX-30 a été nommé l'un des meilleurs choix par Protégez-vous et récompensé par l'IIHS pour sa sécurité. Découvrez pourquoi ce VUS compact fait l'unanimité. Passez à l'événement Découvrez Mazda et profitez d'un taux de 1,95% en financement à l'achat jusqu'à 36 mois, plus un boni de 500 $ à l'achat d'un plan de protection étendu Mazda. Venez découvrir votre nouveau Mazda CX-30. L'offre se termine le 30 juin. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Mazda. Sur les chantiers routiers, c'est important de ralentir, parce que quand... Excusez, Mme Levac, je peux-tu juste faire du 3/4 pouce sur ce que vous dites? Ben oui, allez-y. Moi, je suis signaleur sur un chantier, OK? On met des cônes oranges, des dossards oranges, des panneaux oranges pour dire au monde de ralentir. Puis ils nous voient pas, ils passent à... Je veux dire, pouvez-vous tenir le bout de mon ruban? Ouais, ouais. 34, 35, 30. 36 pouces de nous autres, grosso modo. Ah, c'est proche. C'est trop proche. Donc, la sécurité routière sur les chantiers, faut qu'on embarque. Tout est dit. La sécurité routière, j'embarque. Merci. Un message du gouvernement du Québec. Je gagne à être membre du programme Moi. Et ça n'a jamais été aussi vrai qu'avec le concours « Je gagne gros avec moi ». À gagner, 3 crédits voyage pour explorer le Canada et surtout, une maison Bonneville. Ça, c'est gros! Pour participer, il suffit de présenter sa carte Moi à chaque visite chez Métro, Jean Coutu, Super C, Brunet et Première Moisson du 5 juin au 2 juillet. Avec moi, c'est toujours gagnant. Aucun achat requis, des conditions s'appliquent. Détails au programme moi.ca. Cet été, prenez la route avec le véhicule électrique le plus vendu au Québec en 2024, l'Equinox EV de Chevrolet. L'Equinox EV, c'est plus de 500 km d'autonomie au prix le plus abordable au pays. Ça, c'est impressionnant. Louez l'Equinox EV LT 2025 à traction avant pour l'équivalent de 105 $ par semaine pendant 48 mois chez votre concessionnaire Chevrolet. Valeur au détail de 48 419 $, rabais gouvernemental inclus. Versement initial de 4 100 $, 104 paiements de 210 $ et 20 sous du kilomètre après 64 000 km. Détails sur chevrolet.ca. Promutuel est l'assureur grand public le plus recommandé. Demandez une soumission sur promutuelassurance.ca. Vous verrez pourquoi on nous recommande autant. Promutuel Assurance est la la la la la la la. 94.3. Disponible sur iHeartRadio. Dès 18h à Énergie, débutez votre soirée avec juste des classiques qui rock. C'est le seul et unique rock show avec Babu à Montréal. Plus de classiques. Plus de fun. 94.3. Énergie. Ça rentre au poste avec Sébastien Trudel, Julie Beau et Tommy Néron. Ça rentre au poste! Énergie. 15h20, c'est le temps de nous appeler pour la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il reste des circuits libres, donc 7900-94-3-800-665-5940. Ça peut être sur n'importe 54 quoi. 54-40. J'ai 59-40. C'est quoi? Ça fait, ouais, ça fait 8 ans que je donne le même numéro de téléphone, puis ça fait deux fois que je me trompe à une sonnette. 1-800-665-5440. On dirait que t'as la tête ailleurs. Ben peut-être que t'as rencontré quelqu'un. Peut-être une ex. Il est fatigué. On l'appelle Tommy Grant. Oui, ça va être à la place de mon quiz tantôt. OK, on commence avec... Enlève cette musique-là. Wicked Games. T'es bien rouge. Sébastien plus Julie. C'est tellement n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ça? OK, on va aller sur la 2, tiens. Allô et allô Énergie. Hey, salut, comment ça va? Ça va, ça hey, va? On t'écoute. Good. Hey, moi, j'aimerais... je suis avec une femme qui est ménopausée. Puis je veux savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle, dans sa tête, dans son cœur. Puis quand est-ce que ça finit? Attends, écoute, réponds-moi. Est-ce que tu trouves ça rough? Oui. OK. Ben, dis-toi que nous, Julie, on trouve je pense ça que je 25 y aller. Fois plus rough que toi, ce que tu vis. Ben, ça dépend ce que tu vis. Mais quand on vit ça en dedans, là, c'est vraiment pas le fun. Moi, je suis dans la pré-ménopause. Et justement, j'ai rencontré une médecin extraordinaire cette semaine à ce sujet-là. Puis, on m'a proposé des hormones. Est-ce que ta conjointe, on lui a déjà prescrit des hormones? Moi, j'ai une espèce de gel que je dois mettre tous les matins, des gélules aussi le soir. Ben, honnêtement, là, on a déjà parlé... Mais elle veut pas trop y aller, mais je pense qu'il faut avoir une référence par un médecin pour ça, puis pour l'instant, elle a pas de médecin. Non, c'est en médecine familiale, moi, que j'ai pu... c'est quelqu'un qui se spécialisait en santé de la femme, mais je pense qu'il y a plein d'endroits où elle peut avoir des ressources, en fait, là, pour vrai, c'est assez accessible maintenant. Puis c'est l'enfer, ce qu'on peut vivre. Des fois, on veut arracher des têtes. Il sait, il vit aussi, là. Oui, oui, exactement. Mais c'est pas, tu sais, puis c'est pas le fun. Pour vrai, là. Non, je comprends. C'est vraiment pas le fun. Puis tu sais, une belle compréhension. Pour vrai, ça va beaucoup l'aider. Oui. Mais là, mon cher, tu disais. Mais les cliniques que tu me parles, là, c'est des cliniques privées ou. Non, moi, je suis allée, entre autres, à la clinique. Je sais pas s'ils prennent encore des nouveaux patients, mais la clinique Azur à Saint-Lambert sur la rive sud de Montréal. C'est sur l'assurance maladie, là. Oui, absolument. Puis si tu as les moyens, sinon, pense à tout le capital sympathie que tu gagnes si tu y payes son rendez-vous au privé. Il y a ça. Ah ouais, c'est sûr que je vais y payer. Je vais y offrir, d'ailleurs. Mais est-ce que ça a été long avant que tu puisses avoir un rendez-vous? Il est plus capable. Non, je pense que c'est à bout. J'entends la détresse là, dans ton appel. T'inquiète. Mais au privé, c'est sûr que si tu vas au privé... Ça va être super rapide. Ça va être extrêmement rapide. Tu pourras appeler là, puis avoir un rendez-vous aussitôt que demain ou après-demain. Là. Fait que bonne chance. Écoute, là-dedans, on va aller sur la 801. Tiens, allô, Énergie? Salut, la gang. Oui. Moi, je vais faire une montée de lait. Là. OK, vas-y. La construction, c'est réglé, là. Ouais. Moi, je travaille dans le domaine des planchers, puis quand les gars, ils finissent le job, là, soit un plâtrier, un électricien, qui pourrait peut-être passer rien qu'un petit coup de balai, là. Ouais. Moi, je m'en viens sombrer le plancher, puis là, ça y est, je me ramasse, mais... Là, tu te rends dans la radio derrière toi. Je sais que c'est mélangeant. Un conseil à tous ceux qui vont déménager, juste faire un petit ménage avant que les gars de plancher arrivent. Là. Tu sais, juste... Ah, parce que sinon, c'est toi qui se retrouves à laver le plancher avant de le sabler, c'est ça? avant de le travailler. Ben là, ça brise mes papiers, puis là, je suis obligé de... C'est un job qui est cochon. Je comprends. Mais en même temps, ça peut être au propriétaire de la maison aussi de le nettoyer après, ou je sais pas. En tout cas, bref. Ben écoute, bonne chance là-dedans. On te souhaite le meilleur. Ouais, de exact. Trouver le bon chemin, la lumière. Oui, exact. On va aller sur la 1. Allô, Énergie. Hey, salut la gang, c'est Manon de Valleyfield. Salut Manon! Oh, Manon, viens danser le ska. Montre-moi le nouveau pas. Oui, c'est ma Manon vient danser le ska de Valleyfield. Oui. Elle vient s'acheter une nouvelle maison, ça fait pas longtemps. Elle a changé de job, elle a travaillé au Benny Eco, puis elle est rendue dans une RPA. Je pense que tu travailles avec les personnes âgées maintenant, hein? C'est ça. Voilà. Wow. Merci, je les connais, mes auditeurs. Comment? C'est avec Shirley. Shirley, où est-ce qu'elle va, Shirley? Là, nous, on connaît pas nécessairement. Shirley. Mais tu nous appelais pour parler de quoi? Ben hier, vous avez parlé des affaires qui nous énervent, hein? Oui. Mm-hmm. Moi, là, c'est ceux qui sortent en pyjama. Ils rentrent au restaurant en pyjama. Ils vont faire leur grosserie en pyjama. Franchement, si t'as pas d'aise à rester chez la tête, tu devrais chez vous faire l'amener ta grosserie. Oui, mais il y a comme une petite mode là, qui est revenue, là, et on voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Les gens aiment ça, mettre comme des gens de pantalons qui ont l'air des pantalons de pyjama. Là. Tu dois en voir beaucoup, toi, de ton âge, le jeune. Ben oui, puis honnêtement, j'ai écouté un bulletin de nouvelles cette semaine, j'ai vu l'Ukraine et tout, puis j'étais comme les pyjamas, pas super. Ouais, c'est ça. Toi, ça te tape ses nerfs, Nicole. Ouais, mais la gang, c'est pas une des jeunes, là. J'ai vu des personnes dans la cinquantaine de sortir avec des culottes en pleine ailette, avec des Mais dans quel restaurant, mettons, t'as pu voir ça? Parce que j'imagine que c'est pas des restaurants. C'est pas chic, là. Ah, j'ai vu ça chez Benny, puis j'ai vu ça dans un restaurant, un gros restaurant chic chinois, là. Okay. Chic! Ça, c'est chez Maxi. OK. Mais des fois, je dois me confesser, là, ça arrive que je vais en mou à l'épicerie. Ben oui. Ben oui, ça peut arriver. Eh bien, écoute... Manon, je t'aime. T'as fait ta montée de lait, Manon, c'est parfait. On va aller sur la 2. Allô, Énergie? Allô? Allô? Allô, on t'écoute. OK. Moi, il y a deux choses principalement qui me gossent. Oui? C'est ceux qui n'arrêtent pas de dire « quelque » au lieu de « quelque ». Ah, comme mettons, toi puis moi, on va-tu quelque part? Quelque part, quelque chose. C'était notre sujet d'hier, puis je pense qu'on n'a pas eu le temps de passer tout le monde. Non, c'est pour ça que les gens appellent. Il y a un délai, mais c'est correct. OK. Donc, okay. Toi, ça. Okay. La deuxième, là, c'est ceux qui prononcent des A quand c'est des A. Oui, genre Sonia au lieu de Sonia. Dans le fond, elle n'aime pas mon accent. C'est deux affaires que je fais en permanence. Ben, merci de ton appel. Écoute, c'est le message est lancé. Quelques personnes qui disent Sonia est pas capable. Ouais. OK, on va aller sur la 803. Tiens, allô, Énergie. Bonjour la gang. Allô. C'est pour rassurer au petit monsieur, là, tantôt, qui parlait pour les chaleurs des petites madames, là. Oui. Ça part bien. Oui, mon ami, là, puis ma conjointe est rendue à 65 ans. Oui. Puis elle est encore pognée avec ça. Ben, ça, oui. Tantôt, c'est prêt, tantôt, c'est faux. Tantôt, on est bien, mais on n'est pas bien longtemps. Ça commence à faire faux. Ben oui. Et c'est l'enfer. Puis t'imagines, en plus, là, elle même depuis qu'elle a genre 12-13 ans, ça a commencé chaque mois à avoir des douleurs au ventre, ben puis saigner. Puis, hey, t'imagines, comment c'est pas le fun. Tu prends son mal en patience et tu cours par cas d'après ce que tu peux voir. Moi, le médecin, elle vient à ma conjointe. On ne sait pas quand est-ce que ça peut arrêter. Exactement, c'est pas facile. C'est pas facile pour nous les hommes d'endurer ça. C'est vraiment, tu sais, il faut être là pour supporter les dames. Puis pendant ce temps-là, qui nous dit bravo à nous? Personne. On vous a entendu, messieurs. Votre cri du cœur est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bravo. Elle a des couteaux dans les yeux. Non, j'entendais le deuxième degré. Tu penses pas que ma fondation. Messieurs, la ménopause, c'est pas facile et sérieuse. Ouais. Je sais pas. Vraiment... Mais messieurs, faites preuve de compassion envers vos conjoints, oui, pour vrai. Discutez-en, puis oui, il peut y avoir des solutions hormonales, tout ça. Ou s'acheter des bouchons pour les oreilles aussi. Ça peut. Puis mettons, tu pars la clim. Les jokes de mon oncle. Mais sinon, t'achètes. Tu sais, tu mets la clim. Oui. Puis t'achètes une douillette que tu laisses sur le divan. C'est ça. Comme oui, ça, c'est ça. Ça. Mais c'est pas juste le chaud, le froid, là. OK, mais là, on va passer. C'est le goût de t'arracher la tête, des fois. Ah, ouais. Ben ça, là, j'entends. Puis à notre première rencontre de la ménopause pas facile pour les hommes, oui. On va en parler. On va en parler. On fait un podcast. Non, tu seras pas invité. C'est vraiment pour les hommes. C'est parce que t'as l'air de penser que la ménopause, c'est un enfer de femme. Je sais pas. Vraiment, là, Julie, je sais pas. Où tu lis ton information, là. Mais ce que j'ai compris, moi, de cette ligne ouverte-là, c'est que la ménopause, c'est un défi pour les hommes. Oui. C'est là qu'est la souffrance. OK, le moment TNT. Le moment TNT s'en vient. Et donc, c'est Cobra, un ancien prisonnier, qui va nous téléphoner. C'est gouvernemental, tout ça. Puis ça a l'air qu'ils viennent découvrir Internet. Fait qu'on manque pas ça. Après Supertramp et The Logical Song, plus de classiques, plus de fun, plus de bouffées de chaleur. Oui. Tout ça. Tout ça. Merci à trop pas, c'était Merci. Tommy Néron Tremblay. TNT. Ben, Énergie a accepté un partenariat avec le gouvernement pour aider à la réhabilitation en société des anciens détenus. Mm-hmm. Aujourd'hui, on accueille pour la quatrième fois Cobra, un homme qui a purgé une peine de 25 ans de prison qui est maintenant libre. Salut, Cobra! Salut les auditeurs, Julie, elle frisée, j'ai une maudite belle semaine. Ah oui, tant ça mieux. Se rapproche dangereusement de la semaine où j'ai perdu ma pucelle. Oh. Ah. Mais tu sais, vous savez ce qu'on dit, pour un homme, il n'y a rien comme sa première saucette. Ah. Tant qu'à parler de ça, merci Linda Fortier, c'était super bon. OK, OK, mais là, je sais pas c'est quoi le rapport, mais comment ça c'est une si belle semaine pour toi, Cobra? Parce que je suis rendu avec un téléphone intelligent et Internet chez nous. Oh! Oui, puis mon demi-cola qu'on a calculé, puis s'il fait attention à ses dépenses, il peut prendre un forfait de coupe, puis moi ça fait que j'ai un sel gratis, puis on a Internet à l'appart. Hey, wow! Là, juste préciser, on s'emboîte pas, moi puis mon coloc. C'est juste ce forfait qui s'appelle de même, mon est hétéro. Ben je ne baiserai jamais un homme, sauf en prison. Ce qui suit est un message du Système national d'alerte au public. À 15h34 heure avancée de l'Est le jeudi, Environnement Canada a émis une alerte d'orage violent pour le centre du Québec. Une attention et des précautions additionnelles devraient être exercées près et autour des localités suivantes: Drummondville. Les météorologues d'Environnement Canada surveillent un orage très dangereux pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle pouvant atteindre la taille d'une balle de baseball, et de la pluie forte. Mettez-vous immédiatement à l'abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche. De nombreux éclairs sont probables, et il y a toujours un risque de tornade avec un orage. C'était un message du Système national d'alerte au public. Maintenant, retournons à la programmation régulière. Ah, par contre, il y a des lives sur TikTok. J'ai trippé. J'ai checké deux filles avec un tatou d'en face se traiter de conne pendant une demi-heure. Ça m'a relaxé. Je me sentais à la maison. Après ça, je suis tombé sur un chansonnier sans poudre qui jouait pas de musique. Non, il criait au monde d'y envoyer des galaxies. Ça, c'est du cash. Parle-moi d'un beau modèle d'affaires. Ben oui. T'as même plus besoin de te déplacer pour collecter. Le monde va bien. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il les a eu, ces galaxies. Ben oui. Fait qu'il a fait une toune. Chris, la torture, c'est supposé d'arriver quand t'as pas ton argent. Ah non, Éric Lapointe devait se retourner dans sa tombe. Quoi? Il est pas mort. Il est pas mort. Si cuir est pas encore mort, non. Comment ça se peut en buvant de main? Il a arrêté. J'ai essayé de jouer à Candy Crush. Mmh. J'étais nul. Ça m'a mis en sacrement. Le sel a fini dans le mur. Fait qu'après avoir éclaté le sel de mon coloc dans le mur, j'ai pris le mien et je me suis fait un Facebook. Là-dessus, il y a Marketplace, puis c'est des naïfs là-dessus, hein? Ça vole pas. Ah oui? Cet article est-il encore disponible? Si t'en penses, la chaudron, j'ai pas pris une photo de ma laveuse pour la montrer au monde. J'ai vendu pas mal de stock aussi. J'ai vendu du stock. Beaucoup de DVD. Mon coloc appelle ça sa collection. Mm. Mais moi, personnellement, j'appelle ça j'ai besoin de place puis de cash pour un vivarium. J'ai aussi mis un bateau à vendre, là, avant que le frisé me le demande. Oui. Non, j'ai pas de bateau. Ah. Mais ça, le monde ne le savent pas, avant de se rendre les poches pleines de cash au bout d'un chemin de terre dans le bois. Ils sont cute, en plus. Il est où le bateau? Votre moustache a l'air fausse. Il n'y a pas de lac ici. Non, mais ça m'empêchera pas de te nayer si tu me fais pas le premier versement. Right fucking now! Après ça, ils s'en vont. Pendant ce temps-là, tu likes les photos de leurs enfants sur Facebook. Généralement, ils perdent l'envie d'appeler la popo. Sur Facebook aussi, on peut ajouter des amis. J'ai ajouté toute l'équipe de Saranto au poste. Ah oui, il y a juste Mario Bellemare de la circulation qui m'a accepté. Ah, oh. Ben, bravo Mario, t'es entré dans un cercle select qui t'offre mon amitié et ma protection. Tu peux dormir tranquille. Les autres, vous devriez barrer vos portes. Des fois, le soir, je vire ticoune. Bon, je vous laisse les mémères. On m'a expliqué c'était quoi le dark web. J'ai du magasinage à faire. Alors, sur beaucoup de messages, je ne sais pas si c'est arrivé partout au Québec, il y a eu une alerte météo pendant le sketch. C'est, ça tombe de même. Écoute, ça a-tu paru que ça m'a déstabilisé? C'est ça. C'est pour ça qu'on... Mais ça nous a tous un peu déstabilisés, mais je serais curieuse de savoir c'est quoi l'alerte météo. Ouais, ben, c'est ça. Nous autres, on n'est pas au courant. Nous, on ne l'a pas entendu. Appelez-nous. C'est quelque chose. 7900-943. Faut-tu dormir à station? Qu'est-ce qui se passe? 1-800-665-5440. Pourquoi est-ce qu'ils ont coupé notre sketch pour une alerte météo? Ouais. Ça doit être grave. Punch une ligne au hasard, Alec. Allô, Énergie? Ouais, salut Seb, ça va? Oui, oui, c'était quoi la... C'est quoi? Que... Nous, on l'a pas entendu, ça nous a juste coupé, on a continué le sketch pareil. Il disait que pour le centre du Québec, il fallait s'attendre à des tornades peut-être, oh. De la grêle, puis un peu de tout, là. OK, okay. Le centre du Québec, OK. Okay. Là, il y a beaucoup... Ben, ouais, mais Montréal aussi là, peut être touché, là, fait que c'est... À quelle heure? Le centre du Québec. Ah, on est... Ben, vas-y. C'est dans les prochaines heures. Là. Dans les prochaines heures. Fait qu'il ne faut pas évacuer la station en ce moment. Ce n'est pas une urgence totale. Bon, ben, coudonc. Au 6-12-12, il y a des gens qui disent Tommy, il faut que tu recommences. On a manqué un bout. Arpasse, ma chronique. Oui, on vous garde jusqu'à 5h40 si vous voulez le revoir. Sinon, ça va être ses médias sociaux. C'est en plein ça. Parce que je peux pas refaire des jokes à Julie et Seb qui les ont entendus. Ça serait l'affaire la plus bizarre Puis il y a des gens ailleurs au Québec qui l'ont entendu au complet. C'est pour ça qu'on a, nous, on a continué. À un moment donné, j'ai fait signe à Tommy, il faut continuer de parler parce que c'est la même chose pour les alertes Amber. Fait que, bref. OK, donc, ben c'est ça, il va y avoir des tornades. Non, on verra. C'est une alerte. Hein. Mais je trouve qu'ils l'ont facile, l'alerte. Hein. Ah, ouais. Météo, là, avant, il n'y avait pas ça. C'était comme, bon, il pleut, puis en tout cas. Mais moi, je vais me faire dédommager si il n'y a pas une vraie tornade à ce moment. Oui, s'il n'y a pas une tornade. Je vous jure, s'il n'y a pas de tornade, je m'en vais chez Météo Média, puis je dis, ils ont manqué ma chronique. Ouais, ouais. J'ai écrit ça, moi. Ça va avoir un recours pour ça. On parle de gros orages, grêlons, grosseur d'une balle de baseball. C'est rentré deux fois. Oh shit! Tabarnouche. OK, bon, ouais, regarde. Excusez d'avoir dit ça. OK, tu vas tout poquer mon char. Zut. Bon, le quiz Mission Impossible, c'est l'avant-dernière journée avant de faire tirer le prix de 18 000 $ c'est un prix, évidemment, c'est une batterie murale grâce à Airco Résidentiel. Ça vous permet de sauver sur l'hydro. Justement, quand il y a des tornades et des pannes, ça vous permet aussi de ne pas manquer d'électricité et de perdre toute votre nourriture, par exemple, dans votre frigo. Alors, tout est dans tout. C'est le temps de nous appeler la thématique du quiz aujourd'hui, les capitales du monde. Alors, on y va avec ça. 790-094-3-1-800-665-5440. Alors, on va jouer à Mission Impossible l'avant-dernière, avant le gros prix. Après la nouvelle toune de JF Bosé, voici Ballon Sonde dans Ça rentre au pas. C'est tellement bon. On vous l'offre tout de suite sur les ondes d'énergie. Un peu comme on lance un ballon sonde, je t'envoie des nouvelles de l'autre monde. Ici tout va pour le mal, ça frôle la guerre mondiale. La planète est à Dieu et à craint. Et comme les gens seront toujours les gens, ce qui se rapproche le plus de l'infini, ça reste l'humanité et l'étendue de sa connerie. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. T'es plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Oh, oh, oh. Un peu comme on lance un ballon sonde, je t'envoie des nouvelles de l'autre monde. Ici on se nourrit de mirages en guise de bons présages. Rien n'a changé, chacun dans sa niche. Les pauvres seront pauvres et les créateur de contenants stupides, nous scelle l'âme sous vide. Sinon tout va très bien pour la haine. Qu'est-ce que tu veux, l'horreur est humaine. Comme on dit, ça prend beaucoup d'humour. Oh non, c'est pas demain la veille que les hommes vivront d'amour. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. C'est plus triste depuis, tellement plus triste depuis. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Depuis que tu es parti, mon ami. C'est l'avant-dernier jour pour vous qualifier pour gagner cette batterie murale dont on vous parle depuis quelque temps déjà grâce à Airco Résidentiel. Ça vaut 18 000 $. Puis avec justement les météos changeantes, disons, puis plus violentes, on a des pannes d'électricité qui durent de plus en plus longtemps et ça, ça empêche. Vous n'aurez plus jamais de panne chez vous. Vous ne perdrez plus jamais la bouffe dans votre congélateur, dans votre frigo. Puis ça réduit aussi votre facture d'hydro l'hiver. On fait tirer ça demain. Thématique du jour, les capitales du monde. On commence avec Michel de Saint-Timothée. Salut Michel! Salut la gang! Michel, donc, faut que tu aies 5 bonnes réponses. Tu as droit à une fois un indice de la part de Julie Bou ou de Tommy. C'est bon? C'est parfait. Quelle est la capitale de l'Espagne? L'Espagne. Je suis Madrid. Bonne réponse. Oui. La ville de Budapest est la capitale de quel pays? Budapest. Je vais demander une, Julie. Si je mélange du on blanc avec du on noir, ça donne quoi? Hongrois. Hongrie. Mmh, est-ce qu'on va, ouais, ben on va aller voir les journaux que ça peut qu'est-ce correct? C'est bon. Hongrie, bravo! Hongrie. Quelle est la capitale de la Belgique? La Belgique, c'est Bruxelles. Bonne réponse. Il t'en manque deux. Tu n'as plus d'indices, par exemple. Quelle est la capitale de la Corée du Sud? Oh, shit, la merde. Oh, là, tu vas loin. Corée du Sud, malheureusement, on va aller à Pascal de Saint-Lin. Salut Pascal, as-tu la bonne réponse? Ben moi je dirais Séoul. C'est une bonne réponse, il te manque juste une question et t'es qualifié pour le tirage de demain. La ville de Lima est la capitale de quel pays d'Amérique du Sud? Pérou. Et voilà, tu es qualifié, Pascal. Bravo. Surveille-nous demain. Et demain, un prix de 18 000 piastres. Il y a un chauffeur qui, par accident, c'est dans l'actualité, a déversé du béton sur 8 km sans le savoir. Autrement dit, son camion coulait. Donc, sur 8 km, on vous demande la fois où vous avez eu le plus honte en public. On a tous eu souvent honte en public, je pense. En tout cas, moi, personnellement, ça m'arrive souvent. Puis c'est moi-même qui me fait honte. Donc, la fois où vous avez eu le plus honte en public, on a un 100 $ de restaurant à vous donner, mais il faut nous appeler immédiatement au 790-094-3, 800-665-5440 ou nous texter au 61212. Donc, la fois où vous avez eu le plus honte en public, n'hésitez pas. Ou dénoncer quelqu'un peut-être aussi qui nous a fait honte en public. T'sais, on peut ouvrir ça un peu plus large. Et un Blink, peu comme Luc nous a fait honte quand on est sorti au trèfle le mardi soir. Non, mais il y avait à Tourette. J'ai dit au serveur qu'il y avait la tourette, on était béton. On était safe après. Parfait. Et Blink, What Did You Do, ça s'en vient. What's My Age Again? Plus de classique et plus de fun. Dans Ça Retrouve Pas, cette énergie. Sébastien Trudel, Julie Bou et Tommy Néron. Pour l'offre au retour. Énergie. Midi. Le show du midi le plus fun au Québec. Avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. On a eu une performance quand même potable pour notre PQ. Il a parti fort. Mais c'est souvent ça, hein? Le PQ, ça part fort. Demain, 11h25, toujours live sur l'application iHeartRadio et à Énergie. Énergie. Mario, on parle des ponts de Laval. Écoute, le pire pont présentement à se trouver, c'est le pont Louis-Bisson sur l'autoroute 13. Il y a un accident depuis un peu plus d'une heure là sur le tablier du pont, deux voies fermées. Bref, dès qu'on quitte l'autoroute 20, là, ça circule lentement. Vous allez perdre tout près d'une heure là, pour rentrer à Laval sur la 13. L'autoroute des Laurentides, l'entrée à Laval se fait bien. Il y a un petit ralentissement du souvenir. On reprend de la vitesse, mais dès qu'on arrive à l'approche de Dagenais, jusqu'au pont Gédéon-Ouimet, ça circule lentement. Par la suite, c'est la portion Sainte-Thérèse jusqu'à Mirabel. Si vous êtes en direction de Terrebonne par l'autoroute 440, dès qu'on arrive à la hauteur de Pinot, ça circule lentement. Par contre, par le pont de la 25, ça va bien. Et vers Repentigny, quand même un petit peu occupé, là, entre Marien et Gouin. Après ça, on reprend de la vitesse. Chez Sport Expert et Atmosphère, obtenez 20 à 40 de rabais. C'est sur une vaste sélection de vélos, vêtements, d'équipements plein air. Vous aurez tous les détails en magasin et en ligne. On s'en va les rejoindre. Ça va être la dernière de leur saison. Demain, la gang de Midi Fun. Salut! Allô? Salut la gang de Ça Rentre au Poste. Demain, vendredi, tout un vendredi. D'ailleurs, c'est notre dernier ensemble qu'on va avoir. The closing time. Absolument. C'est la fin des classes. D'ailleurs, MC explique... School's out avec Alice Cooper. Manquez pas ça. On a le quiz à Ben. On a Midi Fun vous répond. Le montage Midi Fun et les meilleurs moments de Peter McLeod et Marie-Claude Savard. Ça va être extraordinaire. Encore une fois. Salut, on salut. On vous manque pas dans 11h25. Bonnes vacances aussi, déjà. Les Midifun sont de retour. Le 25 août également, c'est comme nous tous, finalement. Ce qui s'en vient, nous autres, c'est ce qu'on vous demande, en fait. C'est la fois où vous avez eu le plus honte en public. On a un 100 pièces de restaurant à vous donner. Ou la fois où quelqu'un vous a vraiment fait honte. Donc, il reste quelques lignes de libre au 514-790-0943. Sinon, ça se passe au 1-800-665-5440. Messagerie texte au 6-12-12. Énergie. Et il n'y a qu'un seul endroit pour suivre en français la saison de vos alouettes, et c'est à RDS. Suivez vos oiseaux alors qu'ils sèment la pagaille d'un océan à l'autre avec la meilleure équipe d'analystes et de commentateurs qui soit. Pierre Bercheval, David Arsenault, Danny Desriveaux, Didier Orméjuste, Bruno Eppel et Mathieu Proulx. Le football des Alouettes de Montréal, seulement à RDS. Diffuseur francophone exclusif. Albi le géant. En changeant pour Desjardins Assurance, vous pourriez économiser jusqu'à 550 $ en combinant vos assurances auto et habitation. Intéressant. Et ils ont de l'expérience, plus de 3 générations. Ça change quoi? Ben, imaginez si vous jouiez au golf tous les jours depuis 3 générations. T'as fait 7 trous d'un coup aujourd'hui, Hélène! Je sais. J'étais pas en forme. Ah bon, ça va aller mieux demain. Desjardins Assurance, c'est pas d'hier qu'on assure. Ça, ça rassure. Demandez une soumission. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s'appliquer. Tournez à droite et votre domicile se trouvera sur la gauche. Recalcule en cours. Recalcule en cours. Plus besoin de prendre mille et un détours. En auto ou à la maison avec iHeartRadio, écoutez Énergie quand vous le voulez. iHeartRadio, avec vous, partout. Énergie. Albi le géant. Et bon jeudi après-midi, on est-tu vraiment rendu proche de la fin juin? Je l'ai jamais vu passer. Émilie Simard qui vous parle en direct de chez Albi Occasion, de toutes les promos du groupe Albi Le Géant pour la vente étiquette jaune qui se poursuit jusqu'à la fin du mois de juin. Si vous cherchez une voiture d'occasion fiable, abordable, sous garantie, littéralement comme neuf, c'est la destination. Parce que je vois la cour devant moi et on a entre autres des 100% électriques, des Leaf, des MX-30, Hyundai Kona, IONIQ 5, 6. Pensez faire votre tour. On vous attend sortie 44 de la 640 à Mascouche, Albi Occasion. Chez Super C, des petites familles qui se demandent quoi apporter au feu de la Saint-Jean. Les Bédards ramassent des cerises à 2,44 la livre. Les Tremblés prennent le fromage Petit Québec 400 grammes à 4,97. Puis tout le monde choisit le beefsteak d'Aloyau format écono à 8,88 la livre. Jean du panier, c'est à votre tour de vous laisser parler d'économie. Bonne Saint-Jean, ma gang de vous autres! Avec le meilleur rapport qualité-prix, c'est Super Super C. Valide jusqu'au 25 juin en magasin et en ligne. Détails au superc.ca. Hey, merci de pas venir m'aider à m'installer. Dans la première appart, c'est pas rien. Oh, le plancher, c'est pas à niveau, là. Scott de porte-là non plus, c'est pas à niveau, là. Ouais, y a pas grand-chose à niveau ici. Ben, je viens d'installer Bel Internet Pure Fibre. Ah, ça, c'est du haut niveau. On va quand même faire de quoi pour ton plancher. Passez à un Internet de haut niveau avec Bel Pure Fibre. Obtenez des vitesses de 3 gigabits par seconde au prix de 500 mégabits par seconde pour 70 $ par mois. Offre d'une durée limitée. Visitez bel.ca pour plus de détails et pour vérifier la disponibilité. Avec un Internet ultra fiable, la vie est belle. Oh, Karine, t'es enfin là! Allô? Fait que là, c'est Nissan. Ben là, dis-moi. Nissan, là, est la marque automobile la plus primée du Consumer Guide, là, en 2025. Oui, je sais, c'est quelque chose, là. Puis le Nissan Rogue, là, ben, il est nommé le VUS compact numéro 1 pour une troisième année par mois. Motor Trend 2025. Puis avec sa traction intégrale de série, là, on comprend pourquoi. Financez un Nissan Rogue SL Platine ou Platine Tech à partir de 0% jusqu'à 60 mois. Passez chez votre concessionnaire, là. Jusqu'au 30 juin, sur approbation de crédit, les conditions s'appliquent. Détails chez Nissan. Vos classiques prennent vie à Énergie. Disponible sur iHeartRadio. Écoutez Énergie à Montréal. C'est un classique. Plus de classiques, plus de fun. 94.3 Énergie. Ça 15h53, la fois où vous avez eu le plus honte en public ou quelqu'un vous a fait honte, c'est en lien avec un chauffeur de bétonnière en Caroline du Sud qui, pendant 8 km, roule sur l'autoroute et tout son béton se déverse sur 8 km. Et là, tous les jours, le chauffeur le filme. Littéralement, tout le monde, il y a des dizaines et des dizaines de vidéos, puis les gens le klaxonnent, puis lui, aucune réaction, comprend pas. Probablement qu'il faisait des fingers au monde qui klaxonnait, comprenait pas ce qui se passait. Ouais, c'est ça. C'est, fait que 8 km et il a vidé sa benne au complet. Ben Donc voilà, donc la fois où vous avez eu le plus honte en public, parce qu'on présume qu'après ça, il a eu honte quand il a dû expliquer ça à son patron. Alexandra de Saint-Hubert, salut! Salut! Fait, pour faire une histoire courte, écoute, je suis propriétaire d'une compagnie de démolition. Fait qu'on s'entend que c'est des hommes que je gère. Je suis jamais sur les chantiers. Quand j'arrive, c'est pas bon signe. Puis ils savent. Puis je suis arrivée sur un chantier, puis tout le monde riait, tout le monde était comme un peu gêné, parce que mon mari était sur le chantier, puis il y avait un de mes sous-vêtements sexy dans son jeans, puis il a dit, c'est le sous-vêtement à votre boss, les boys. Ah, ben oui, parce que c'est quand tu fais le lavage des sous-vêtements, des fois, ça peut se glisser dans des pantalons. Ben oui. Ou ben en même temps. C'était de la lingerie très, en tout cas. Trois petits points, là. Ah, ben, moi, je prendrais le... Le trois petits points en explication. Moi, je suis pas comme bon, là, pour me faire des images. C'est quoi que ça veut dire, trois petits points? Ben, c'était une petite culotte en dentelle rouge avec un genre de... Je sais pas comment l'expliquer. C'était un peu comme en filet, mettons, aussi, là, pour qu'il y ait beaucoup de visuel. Ah, ben oui, ben oui. Ben, en même temps... Là, ben, mes employés ont eu du visuel. Fait que toi, t'as eu un peu honte, mais pas ton chum, là. Oui. Non, lui, il trouvait ça très drôle. Mais t'es content. Parce que moi, ben, depuis, je suis pas retournée sur un chantier encore. En vrai, c'est arrivé quand? C'est arrivé l'été passé. OK. Wow, OK, ben écoute, mon Dieu, ça a été un truc.